Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Installez-vous confortablement, on vous a préparé un bon 2 heures de rock progressif et ce soir on donne le coup d'envoi avec une formation américaine mise sur pied par des musiciens de Spike's Beard. C'est le groupe Pattern Seeking Animals. On vous a présenté un extrait la semaine dernière et on a un nouveau ce soir. La pièce a pour titre Another Holy Grail. Et puis Alex Carpani avec un extrait de son plus récent album de Good Man. C'est la pièce Amnésiaque Part 9. Et par la suite, Marc, on se dirige du côté de l'Australie. Oui, en effet, avec la formation Unitopia qui feront paraître le 7 mars prochain un album en spectacle constitué d'un Blu-ray et de 2 CD. Le groupe joue ensemble depuis la fin des années 90. Leur premier album était paru en 2005 et leur plus récent, leur 5e, paru en 2023, Seven Chambers. Ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est un extrait de la pièce The Garden, qui est une longue suite d'une 20aine de minutes qui paraissait sur leur 2nd album paru en 2008, qui porte le même titre. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute l'émission de ce soir avec la formation américaine Pattern Seeking Animals. There are things that we can't see, like oxygen, like gravity, and as we breathe, we're swayed by hidden forces. See the horses in the sky, I knew one day they'd learn to fly. Riders take the reins, we're leaving soon. Down the road, the dogs run free, faithful aging gracefully. We raise our glasses high and toast the moon. Thank you. things changed. The reasons finally came to be. Old-time religion's failing me. We live in stranger times, with none so blind as those who will not see. And if the stars rain down show. The orchestra begins. Well, When all De retour à Terra Incognita avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau, on amorce la seconde demi-heure avec une réédition qui doit être lancée le 28 mars prochain. Il s'agit de White Willow, l'album Signal to Noise, un album qui est paru en 2006. C'était le cinquième album de studio de ce groupe norvégien. Évidemment, Signal to Noise a été remasterisé par Jacob Holm Lupo, c'est le leader du groupe qui incidemment s'est spécialisé dans le remasterisage de plusieurs albums norvégiens. C'est la cinquième réédition du catalogue de White Willow et il ne reste plus qu'un seul album à remasteriser et c'est Terminal Twilight qui est paru en 2011. Incidemment, dans le cas de Signal to Noise, mais ce sera aussi une première dans le sens qu'il sera offert pour la toute première fois en vinyle. Et puis Marc, pour faire suite à White Willow, on va avoir une nouveauté française. Oui, il s'agit de la formation Fields of Nekluda. Ils sont de Grenoble et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est un extrait de leur plus récent album qui a pour titre Ubuntu avec la pièce Anamorphosis. Et ce sera suivi de la formation italienne Sailor Free. On vous présentait la semaine dernière un extrait de leur plus récent album Spiritual Revolution Part 3. Ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est un extrait de Spiritual Revolution, première partie, qui était paru en 2012. Et on aura la pièce The Curse. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute ce second bloc de l'émission avec la formation norvégienne White Willow. face a man so proud and bold. I guess you, my dear, already know. So how dare you to come in here? To stand in my presence as forlorn. I heard a rumor, what are you begging for? We'll be right back. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la nouvelle formation espagnole Vientos Moderados del Este, qui ont fait paraître un premier album en 2024, Un Manual del Signos y Sintomas. On aura pour vous ce soir un troisième extrait de cet album avec la pièce Proxémica, parties 1 à 3. On aura également une pièce de l'album Scattered Memories du multi-instrumentiste italien Mauro Montobbio. C'est son premier album, paru en 2024, et on aura pour vous la pièce No Man's Land. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une formation ukrainienne. Oui, lorsqu'on parle de formation ukrainienne, je pense que le tout premier nom qui nous vient en tête, c'est Carfagen. Et puis par la suite, Anthony Kalugin, musicien qui est évidemment derrière le projet Carfagen et comme d'ailleurs derrière plusieurs autres projets dont Hogwash. Et ce soir, on vous présente un extrait du plus récent qui est paru en 2024, Land of Chameleons. Ça a été une bonne année pour M. Kalugin puisqu'il nous a préparé aussi Messages from Afar, Second Nature, et Messages from Afar, The Working Tapes en 2024. Ce soir, on vous propose un extrait de Land of Chameleons et c'est la pièce Agora by D. Be unbound. Bonsoir, ici Mauro Montobio et vous écoutez présentement Terra Incognita sur les ondes de CKRL à Québec. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres l'artiste américaine Rachel Flowers, qui est une multi-instrumentiste et compositrice. Malgré qu'elle est aveugle de naissance, elle est une virtuose du clavier et du piano. Elle joue également de la flûte, de la guitare, de la basse et du saxophone. Et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est un extrait de son album Bigger on the Inside, qui est paru en 2021. C'est son quatrième album en carrière. On aura la pièce Feel. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va du côté de l'Italie. Oui, avec un groupe qu'on apprécie beaucoup tous les deux, c'est-à-dire Banda Belzoni. Et c'est une formation qui a été mise sur pied par Gigi Venegoni de Arti e Mestieri et Sandro Bellu de The Agonist. Ce soir, on vous propose un extrait du second album du groupe qui a pour titre Timbuktu et qui est paru en 2022. Et c'est la pièce Intrigoni. We'll be right back. Thank you. Pour conclure l'émission de ce soir, on a sélectionné une pièce de l'album Lost and Found de la formation norvégienne 35 Tapes, et c'est la pièce Wasteland. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21 heures. Merci d'être fidèles au rendez-vous et je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de CKRL. Find a way. inside the dreamer's head. High hopes, big lies, struggle to survive, survive. Listen to the dreamer's song. Nice tunes, sad words, stuck in your head. Stuck in your head. Shines on you, shines on you.